de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver sur nos ondes après une semaine d'absence pour une toute nouvelle émission d'Autour de vous. Je suis accompagnée de Lauriane et de Leïla. Comment ça va toutes les deux ? Ça Bonjour. Va, merci. Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors moi c'est Lauriane, j'ai 27 ans et je suis depuis quelques mois la gérante de la fruiterie Révolution à Rumiremont. D'accord. Moi c'est Leïla et ben, je suis la chargée de communication de Lauriane. Et c'est quoi la chargée de communication ? Alors je m'occupe principalement de tout ce qui est communication digitale sur les réseaux sociaux, c'est son compte Instagram et son compte Facebook. Il faut un diplôme pour faire ça ou tout le monde peut le faire ? Alors tout le monde peut le faire, oui et non. Oui, on peut, comme ça, mais professionnellement c'est mieux d'avoir un diplôme, j'ai un master. D'accord. Lauriane, depuis quand existe votre entreprise Révolution ? Révolution existe depuis avril 2021. C'était à la base une micro-entreprise puisque c'était un site internet au départ que je gérais depuis la maison avec un espace showroom. Je me déplaçais à domicile également, donc c'était une friperie un peu ambulante. Et puis quand le financement s'est complètement débloqué, j'ai réussi à ouvrir un magasin physique, donc au 15 rue de la Franche-Pierre à Remiremont. Et désormais, donc c'est une société puisque le chiffre d'affaires est complètement différent. Pourquoi ce nom Révolution ? C'est une bonne question, c'est vrai qu'on me, la pose souvent. Révolution, ça vient d'un burn-out et ça finit en révolution. Grossièrement, depuis 2018-2019, j'étais assistante de gestion, assistante de direction et j'ai travaillé dans divers domaines, dans la compta, dans le commerce, dans la communication. Et j'ai toujours eu des patrons, des entreprises, j'ai toujours été surmenée, mais parce que j'aimais ça aussi, hein. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai travaillé pour un patron qui m'en demandait beaucoup trop. Et puis, il y a la vie de tous les jours qui a fait que c'était trop pour moi, donc c'était un burn-out. Et j'ai démissionné pour me lancer, quoi. Vous êtes une sorte de phénix, c'est ça ? Je suis une guerrière, je le dis toujours, c'est incroyable à dire, mais ouais, je suis une guerrière, parce que c'était ça où je continuais de subir, donc j'ai juste décidé d'arrêter de subir, stop, on casse tout, et on recommence. Il faut un sacré courage pour lancer sa propre entreprise aussi, c'est pas facile. C'est peu de le dire, ouais, bon, oui, je suis très modeste, mais pour moi c'était une évidence. On me le dit, oh, vous avez beaucoup de courage, parce que... Ben voilà, c'est vrai que je suis maman solo et je me suis lancée, j'ai démissionné alors que je vivais toute seule avec mes deux filles. Donc c'était vraiment un truc de fou, c'est un parcours incroyable, mais c'était une évidence de le faire. Oui, ça a été compliqué, oui, c'est compliqué tous les jours, mais je me vois pas faire autrement. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer ? Vous voulez être votre propre patron, vous voulez personne au-dessus de vous, c'est ça ? J'en ai eu marre, ouais, qu'on me demande de m'investir. Ouais, je continuais de m'investir, on m'en demandait toujours plus. Pour rien, quoi. Pour qui ? Pourquoi ? Pour quand ? Bah, pour rien, rien de plus. Donc, je me suis dit... Et puis, j'ai aussi rencontré le mauvais patron, la mauvaise personne, la mauvaise entreprise, qui a fait que... Bah, je me suis tout simplement comparée, je me suis dit, mais... Alors, si lui peut le faire, bah, moi aussi. Mais c'est vrai, il n'y a aucune méchanceté dans tout ça. Je me suis dit, Mais Lauriane, juste fais-toi confiance, parce que les compétences, je les ai acquises dans le BTS que j'ai fait. Les connaissances, je les avais, puisque de par ma nature, j'ai toujours voulu travailler dans tous les domaines que je savais faire. Et je les ai exploités, donc je savais. Il fallait juste que je trouve et la voie dans laquelle je voulais aller, et que je me fasse confiance. Et justement, la friperie, ça a été une révélation pour toi ? Bah ouais, carrément, en fait... Je repense à cette fois où... C'est même compliqué à expliquer, mais c'est dingue. J'étais en voiture et puis je faisais un peu le point avec moi-même. J'avais plusieurs heures de route à faire. Je faisais le point avec moi-même. Je me suis dit, Lauriane, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Grosse question. Bon, qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que tu veux ? Et puis là, l'idée... Oh là là, les fringues, mais il y en a partout. Oh, je vais pas les mettre sur les applications, tout ça. Oh, ça pourrait être vachement cool qu'il y ait une entreprise, qu'il y ait un truc qui existe, quoi, et qui rachète les vêtements au kilo. Je me suis dit, si ça n'existe pas, si moi j'ai cette idée, ça veut dire que ça peut plaire à d'autres. Vas-y, fonce. Et là, pendant 2 heures, J'ai continué de rouler. Bon, alors, je roulais, mais je sais même pas si j'ai, je me souviens même plus si j'étais assez concentrée. Faut pas faire ça. Hein. Mais je roulais et je me parlais à moi-même pendant plus de 2 heures. Plus j'avançais, plus ça s'éclaircissait dans ma tête. C'était une évidence. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvée à Clermont-Ferrand. Même pas. J'allais sur la région parisienne, donc il y avait l'espèce de 4 heures de route. J'étais toute seule, mon conjoint dormait à côté, et quand il s'est réveillé, ben il a vu une nouvelle personne. Je lui dis, ça y est, je sais ce que je veux faire. Il a découvert un nouvel endroit aussi par le coup. Oui. Ah mais il a voyagé, hein. C'est une révolution dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui te plaît de plus dans la friperie? Pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Tout simplement parce que j'adore découvrir les vêtements, j'adore découvrir les merveilles qui arrivent au quotidien et c'est un cadeau de Noël en fait. C'est vraiment un petit plaisir à chaque fois que je dois ouvrir un sac, un carton qui arrive. Et puis c'est une histoire, c'est une personnalité, c'est une identité. Donc j'arrive à leur casser leur première vie. Hop, je l'enlève, ça passe à la machine, ça s'évacue, c'est exactement ça, il y a vraiment ce circuit. Et après, le vêtement est prêt, il a été repassé, il a été bichonné pour retrouver sa deuxième vie. C'est tout ça que j'adore dans la fripe, dans le fait d'être gérante, c'est de gérer la communication avec Leïla, c'est de gérer l'administratif. Mais encore une fois, j'arrive à doser ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Quand je l'aime pas, je leur fourgue en général. et de toute façon, c'est vraiment le plus important, et ce que j'aime, c'est le fait d'apprendre, de grandir. Alors, oui, c'est difficile, mais à chaque fois, on apprend, à chaque fois, on réfléchit, on a de l'imagination, mais c'est pour tout, en fait, voilà. Hormis Leïla, est-ce que tu as d'autres personnes qui travaillent avec toi, ou tu gères tout toute seule? Je gère tout toute seule. Sinon, hormis, comme tout le monde, un expert comptable, un banquier, mais sinon, je gère tout toute seule. Comment tu t'y es prise pour créer ton entreprise? Alors ça, c'était une histoire encore compliquée, puisque en tant que maman solo, quand je me suis présentée dans les banques et que j'ai dit « j'ai une idée incroyable », on m'a rigolé au nez, puisque n'ayant personne pour assurer mes arrières, n'étant pas mariée, n'ayant pas une maison, n'ayant pas toute la sécurité nécessaire pour donner confiance aux banques, je n'ai eu que des refus. Moi, on m'a toujours appris, hein, quand t'as un mur devant toi, soit tu casses le mur, soit tu le contournes. Donc, j'ai trouvé tous les moyens possibles pour contourner ce mur. J'ai bénéficié d'une subvention auprès de la région Grand Est, auprès du service de l'entrepreneuriat des jeunes. Et je suis passée devant un jury, un peu comme l'émission « Qui veut être mon associé ?». C'était exactement ça. Et on avait 7 minutes pour présenter le projet, on avait 7 minutes pour donner tous les détails. Et 3 semaines avant, j'avais fait un entretien avec une conseillère RSA, parce qu'à l'époque j'étais bénéficiaire du RSA. Et ça avait été une chose très compliquée. Je suis ressortie de ce rendez-vous, démoralisée, j'arrêtais quoi. Mais je suis inscrite, je vais aller jusqu'au bout de la commission, je me plante, au pire, je l'aurais fait. Et le jour de la subvention, c'était incroyable, quoi. Je sais pas, pareil, encore une fois, il y a un truc qui s'est allumé, qui me dit, mais lâche pas, quoi, va jusqu'au bout. Et 7 minutes, je les tenais pas, je tenais 10 minutes. Et un truc qui s'est enflammé, et c'était magique. Et 2 semaines après, on a eu les résultats, ils m'ont accordé une subvention maximale, donc d'un montant de 5 000 €. Et j'avais besoin au départ de 10 000 euros pour commencer. J'ai jamais eu le reste du montant de base. Donc j'ai démarré avec 5 000 euros en poche. Et je me suis dit, il faut juste pas que je me plante dès le début. Comment t'as eu l'idée de t'allier avec Leïla? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec Leïla? La question va pour les deux, pour du coup. Ok. Eh ben, Leïla, c'est assez dingue. Mais on s'était jamais vu en vrai, on se suivait sur les réseaux sociaux l'une et l'autre. Parce que être active sur les réseaux sociaux, c'est primordial actuellement, donc on se suivait. Et on se parlait, ouais, c'est ça. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus loin, moi, dans mes démarches pour activer un peu plus les réseaux sociaux. Donc j'ai recherché quand même autour de moi, et Leïla est la troisième personne que j'ai contactée. Et machinalement, c'est celle qui m'a donné le plus confiance et qui était le plus interactive aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, une chargée de com, une community manager avec qui il n'y a pas d'interaction, dès le départ, c'est vrai que c'est compliqué. Et machinalement, il y a une relation virtuelle qui s'est faite. Et quand on s'est rencontrés le premier jour, mais ça a matché. Dans les 5 secondes qui suivaient, on était déjà morts de rire toutes les deux. Comme si on se connaissait déjà. Si on se connaissait depuis toujours. Ouais, ah ouais. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, à savoir Feeling Good de Muse, et on se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Lauriane et Leïla. Alors, c'est quoi une friperie ? C'est un magasin de vente de vêtements d'occasion, d'accessoires d'occasion. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver principalement comme vêtements ? Un peu de tout ? Un peu de tout, du vintage, de la marque, du moderne, de tout. C'est vraiment l'avantage avec les fripes, c'est que... En plus, certaines choisissent vraiment leur catégorie. Par exemple, vous pouvez avoir des friperies qui ne fait que du vintage ou de la fripe qui fait que de la marque ou alors de la fripe qui fait tout. Et c'est quoi les différences avec un magasin de vêtements classique ? Bah, le magasin de vêtements classique fait du neuf. Là, le vêtement d'occasion a déjà vécu, bien que des fois, on ait des vêtements avec des étiquettes, ils sont entièrement neufs. Mais c'est comme une voiture, quoi, il a changé de main. Et comment est-ce que ça fonctionne, un achat de seconde main ? Tu te rends dans un magasin, idéalement une friperie ou même un dépôt-vente, et puis tu te laisses guider. Non, mais pas exactement, mais en fait, c'est presque ça, finalement, parce que dans une friperie, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. T'y vas, en général, il faut fouiller. il faut peut-être regarder un petit peu minutieusement. Et puis, tiens, telle couleur, elle m'attire. Aussi, s'écouter en se disant, oh, ça, c'est sympa, viens voir, je vais aller. Voilà. C'est ça, la fripe, on fouille, on découvre, on cherche, on essaye, on teste. Oh, ça me va, oh, ça me va pas, et puis voilà. Alors, je sais que la friperie, c'est un peu plus accessible au niveau financier qu'un magasin de vêtements classique. Si, par exemple, moi, j'achète un jean à 30 euros dans un magasin de vêtements classique, combien d'articles est-ce que je pourrais avoir dans une friperie à ce prix-là? Encore une fois, tout dépend de la friperie, mais pour te donner un prix moyen, donc dans la friperie Révolution, tous les pantalons, que ce soit un jean de la marque ou non, pour les femmes à partir du 34 et plus, donc j'ai même des grandes tailles, j'aime pas dire ce mot, mais c'est vrai que c'est tout de suite catalogué, donc un jean pour femme est à 8 euros. Donc, je te laisse faire les calculs, Laura, et comme ça, on pourra savoir combien pour 30 euros à peu près tu pourras avoir de jeans. Mais un t-shirt, c'est 5 euros dans la boutique, peu importe la taille, encore une fois, homme ou femme. Donc, c'est vraiment avantageux. Donc, par exemple, si j'achète un jean dans un magasin de classique, bah, j'ai que le jean, mais dans la friperie, je peux avoir un ensemble complet. C'est ça. Sachant qu'en plus de ça, le vêtement a très peu de chance de ou continuer de s'étendre ou de continuer de se resserrer. En général, quand tu vas dans un magasin de vêtements neufs, il est conseillé de le laver pour enlever toutes les traces de produits chimiques dans un premier temps. Et dès le premier lavage, tu t'aperçois que le pantalon a perdu soit sa couleur, soit il est détendu, soit il a rétréci. Là, le vêtement, il a été et lavé, est déjà porté, donc s'il doit se détendre, il devrait plus le faire puisqu'il est déjà détendu, sinon il va craquer. Ou alors s'il doit réduire, il va se réduire, mais tu vas l'acheter déjà réduit. Donc l'avantage de la seconde main, c'est qu'il a déjà fait sa première vie, t'as plus qu'à profiter du meilleur, quoi. Et comment est-ce que tu rachètes les vêtements que tu remets en vente dans ta friperie ? En fait, c'est une liste d'attente. Grossièrement, on me contacte, on me dit « Bonjour, j'ai des vêtements, moi j'inscris sur la liste d'attente ». Qui a été créé à l'ouverture du magasin parce que j'avais 30 à 40 appels par jour. Ah oui. Donc j'ai été obligée de créer une liste d'attente, sinon j'avais beaucoup de personnes qui se déplaçaient directement avec les vêtements. Donc je pouvais pas gérer tout l'arrivage. Il y a une liste d'attente qui aujourd'hui, elle est bloquée. Elle est verrouillée parce que au moins pour cette année, j'ai assez de stock pour faire 2023. Donc, le rachat de vêtements, il se fait sur liste d'attente. Une fois que tu es sur la liste d'attente, moi, pour gérer mon stock, je redescends. Tiens, j'ai besoin de vêtements en garçon en 6 ans. Hop, je reprends la première personne qui est inscrite sur la liste d'attente, qui a des vêtements en garçon 6 ans. Je la rappelle, on fixe un rendez-vous. Et ensuite, les vêtements, je les rachète à 5 euros le kilo, du moment où les vêtements n'ont ni trous, ni taches et qu'ils sont en très bon état. Je les pèse. Et le paiement se fait immédiatement. C'est une grosse différence avec une friperie, puisqu'une friperie en général ce n'est que du don. Et c'est une grosse différence avec le dépôt-vente, puisqu'en général, la personne est payée une fois que l'article est vendu. Donc là, je vais reprendre tous les vêtements. Tu parlais des différentes tailles que tu vendais en friperie, c'est quoi la taille maximum à peu près? Là, en ce moment, en fonction du stock, allez, ça va être le 56. Pour femmes et pour les hommes, j'ai du triple ou 4XL. J'ai une question niveau écologie. Est-ce que le fait de ne pas acheter des vêtements neufs, c'est mieux pour la planète? Disons que la production de textiles est l'un des plus polluants au monde. D'accord. Donc si aujourd'hui, on arrête de produire des vêtements neufs, qu'on vit uniquement avec tous ceux qui sont déjà produits, tous ceux qui existent en seconde main, tous ceux qui existent dans les centres de textile, dans les centres de recyclage, on pourrait largement survivre plusieurs années, ce qui permettrait évidemment de réduire l'impact écologique. Et c'est quoi la tranche d'âge des personnes qui viennent acheter des vêtements dans ta friperie à peu près ? Mais ça, en fait, c'est tout le monde. Il y a une passion chez les ados. Les ados, alors je vais même dire un 14-18 ans, sont passionnés par les fripes, qui trouvent... mais un tout, ils adorent, quoi. des choses, je me dis, oh là là, ça c'est particulier. Oh, je vais avoir des jeunes qui vont arriver, ils vont, oh, j'adore, c'est incroyable. Et à l'inverse, j'ai des personnes d'un certain âge, et puis qui viennent, oh bah moi je préfère parce que c'est mieux, parce que c'est moins cher, mes petites retraites. Et puis qui préfèrent aussi le côté humain, d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui attend de répondre à leurs besoins et qui les bichonne, quoi, ouais. Si par exemple on n'essaye pas l'article qu'on veut en boutique, est-ce que c'est possible de l'échanger ? Normalement, non. Donc je conseille toujours, quoi qu'il arrive, le vêtement d'occasion, ou même qu'il soit d'occasion ou neuf en fait, hein. Les vêtements, faut les essayer avant, parce qu'on a tous une morphologie différente, le jean, ils ont tous une marque ou une conception différente. Donc l'idéal, c'est quand même de l'essayer. La cabine d'essayage, elle est là, elle est faite sur mesure pour respecter toutes les normes d'accessibilité pour tout le monde. Donc non, les vêtements ne sont ni repris ni échangés pour des questions aussi d'hygiène, quoi, parce que je peux pas les vêtements, déjà je les lave, je crois que je dois être l'une des seules friperies en France à le faire, et il faut gérer le vêtement qui revient, quoi. En revanche, si un vêtement est vendu et qu'il a un petit défaut, malheureusement, que je n'ai pas vu. Ça peut arriver, enfin, on est humain, ça peut arriver. Et ben là, voilà, je fais un geste. En général, je suis assez sympa. Je crois qu'il y a une célèbre application en ligne où on peut acheter les vêtements comme ça. Mais je te rejoins là-dessus, c'est que c'est compliqué. C'est quand on connaît pas forcément sa morphologie, c'est pile ou face finalement. Oui. Oui, alors, et ces applications sur lesquelles tu as l'impression que tu fais des économies, c'est bien. Mais quand tu pousses un petit peu d'un point de vue écologique, il n'y a rien d'écologique à faire transporter des milliers et de milliers et de milliers de cartons dans des petits camions qui roulent à l'essence ou au gasoil. Mais c'est très bon pour la seconde main, ça le favorise. C'est quand même mieux que de continuer à produire des vêtements neufs avec des multiples produits chimiques. Tu parlais de vente au kilo, comment ça se passe ? C'est qui achète ça ? Est-ce que ça peut être des particuliers ou c'est forcément des professionnels ? Alors, moi je rachète les vêtements au kilo aux particuliers. Je ne travaille pas avec les professionnels. Je me suis dit, quitte à donner de l'argent, autant donner de l'argent à mes clients. Donc, je rachète les vêtements aux clients, aux particuliers, et ensuite ils sont relavés et revendus à l'unité. Dans cette friperie, on ne peut pas racheter au kilo, finalement. Tout est revendu à l'unité. Est-ce que tu envoies des vêtements à l'étranger ? Non, mais c'est vrai que depuis depuis les séismes en Turquie, la friperie s'est mobilisée pour faire des dons. Donc en fait, tous les mois, je fais un tri, un gros tri dans les stocks et je fais des envois dans les associations. Donc là, il y a deux camions qui sont partis pour la Turquie. Et puis, une fois par mois, je mobilise une association pour faire des dons. Donc là, en l'occurrence, la friperie fait des envois à l'étranger. Et je voulais juste vous poser une dernière question avant qu'on se lance dans la deuxième et troisième pause musicale. Est-ce que vous étiez consommatrice dans les friperies, vous, avant de lancer l'entreprise ? Oui. Ouais, ça fait plusieurs années que j'allais dans les fripes et que j'avais vraiment un mode de vie un peu plus écologique, mais parce que écologie rime aussi avec une économie. Et toi, Lila ? Oui, pareil. Alors, la fameuse application qui commence par un V, c'est vrai que j'ai déjà acheté sur cette application. Et sinon, comme je viens de région parisienne à la base, c'est vrai que dans Paris, il y a beaucoup de friperies. Donc, j'y suis déjà allée et c'est super sympa de fouiller et de dénicher des petites pépites. Et puis, chez Lauriane, j'ai aussi trouvé des pépites. D'accord. Puis c'est vrai, quand vous êtes une personne avec des enfants, ça coûte beaucoup moins cher aussi, parce que les vêtements neufs pour la rentrée, etc., c'est un certain coût déjà. Mmh. Ouais, c'est ça. Et puis, mais tout le monde le dit, hein, on l'entend vraiment, que les vêtements, pour un premier enfant, on achète du neuf, parce que psychologiquement, il y a un impact. C'est son premier, on veut bien faire, on veut... Et puis, en fait, pour le deuxième, on se dit, ouais, mais alors, à la vitesse où les enfants grandissent, voilà, quand on voit que les bodys sont à 2 euros pièce, que c'est beaucoup plus cher que ça en magasin, les gigoteuses en boutique à la friperie, elles sont à 5 euros pièce, c'est presque une trentaine d'euros en neuf. Quand, voilà, je pense aux 3-6 ans, les enfants qui remuent beaucoup plus et qui trouent les jeans, bah là, c'est 3 euros pièce. Et puis le 7-14 ans, on est du 5 euros pièce. Donc pareil, nos ados qui grandissent, qui changent de goût, qui changent de marque et qui changent d'identité très souvent, bah c'est très avantageux aussi. Tu as différentes activités avec la friperie. Nous en parlerons juste après ces deux pauses musicales. On vous laisse avec Pink, Gims et Carla Bruni. On se retrouvera juste après sur le 107. La nuit quand la lune se dévoile, Souvent, mes rêves m'animent et me donnent de l'espoir. Je veux aller jusqu'au bout de l'histoire. Moi, j'ai envie d'y croire dans mon cœur. Tout ira mieux demain. Tout est devenu clair le jour où tu m'as pris la main, montré le chemin. Alors j'ai regardé l'univers me sourire, me dire que tout ira mieux. Dans un de retour sur les ondes de RGM avec Leïla et Lauriane. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Lauriane, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tes partenaires ? Les partenaires, en fait, ils sont tous indépendants, ils sont tous différents. Et c'est vrai que depuis l'ouverture du magasin, donc depuis le 21 novembre, j'ai mis en place un espace pour les créateurs, pour les artisans, pour les entreprises d'Internet, pour les personnes qui veulent un petit peu de visibilité ou qui veulent juste un pied à terre. Et c'est vrai que c'est un point d'honneur d'aider... à la visibilité, en fait, parce que pour moi ça a été compliqué de démarrer avec un site internet. Je me suis dit que bah, pour eux ça doit l'être aussi. Si je peux filer un petit coup de main, c'est bien, quoi. Donc tous les samedis il y a un événement, il se passe quelque chose obligatoirement tous les samedis. Là par exemple samedi j'ai ma douce Cécile qui sera là de 14h à 16h pour faire un atelier au naturel. On reste toujours dans l'économie, dans l'écologie, dans le bon pour l'environnement. Obligatoirement, c'est quelque chose, c'est vraiment des ateliers qui sont bons pour nous, quoi. Donc là, Cécile, elle va nous parler pendant 2 heures de bien-être au naturel, avec un petit atelier, des petites choses très sympas. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu des pépites, j'ai eu des merveilles jusqu'à présent. J'ai eu l'atelier Stern, j'ai eu... My Happy Factory qui est venue exposer ses illustrations. J'ai eu vraiment beaucoup de personnes. Et si bah, ça arrive qu'un intervenant annule au dernier moment, eh ben, je crée une petite animation en interne. Ça peut être un jeu concours. Ça peut être une offre exceptionnelle ou par exemple tout le rayon en taille 34-36, tout est à 4 euros le samedi. Il y a obligatoirement quelque chose un samedi. Et combien de personnes ont déjà fait des ateliers à peu près dans la friperie ? Sur 4 mois, on va dire qu'en général, j'ai les 3 week-ends, je réserve les 3 premiers week-ends pour les exposants. Et le dernier week-end de chaque mois, j'essaye d'organiser une journée de troc. Mmh. Où là, les personnes peuvent venir avec 6 vêtements, elles viennent en caisse, j'estime un nombre de points et ensuite, les vêtements de départ deviennent monnaie d'échange pour avoir d'autres vêtements. Donc, pour en revenir aux événements, aux artisans, j'ai peut-être eu une bonne dizaine de personnes jusqu'à maintenant qui sont venues et qui ont assisté à l'évolution des révolutions. Et comment vous êtes contactée pour faire ça ? C'est assez simple. Au départ, pour les tout premiers, donc 2 mois avant l'ouverture de la boutique, je me suis un peu organisée, ne serait-ce que pour le mois de décembre, parce que le samedi et le dimanche, le magasin étant ouvert au mois de décembre, je voulais de l'animation le samedi et le dimanche. Donc là, c'est moi qui ai contacté en amont des personnes, et on m'a répondu de façon positive à chaque fois. Arrivé mi-décembre, j'ai ouvert le planning pour janvier, février, mars, en mettant un petit mot sur les réseaux sociaux, atelier exposant gratuit mis à disposition, qui veut sa place. Et alors là, ça y est, c'est fait quoi. On va parler maintenant d'un petit jeu concours que tu as lancé il y a quelques jours, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors le dernier samedi de mars, nous avons lancé un jeu concours avec Leïla. C'est un concours de blagues, parce que donc je suis vraiment une bonne vivante et nous on adore rire, donc... C'était important que le 1er avril, on ait droit à notre dose de blagues. Donc, pendant une semaine, on a ouvert un post sur lequel on pouvait mettre des commentaires avec une blague ou alors passer en boutique et me donner une blague. Et puis, à chaque fois, je gardais les coordonnées puisqu'il y a un petit concours. Forcément, il y a un petit cadeau à gagner à la fin, évidemment. Donc là, est-ce que je peux dire la petite blague qui pourrait être gagnante ? Donc c'est vrai que la blague qui ressort le plus, parce que elle est aussi en thème, mais elle est aussi dans le thème, mais il y en a eu beaucoup. Pourquoi est-ce que les vêtements sont toujours fatigués quand ils sortent de la machine à laver ? Bien parce qu'ils sont lessivés. Et ça, c'est Laetitia qui nous a sorti une bonne petite blague. Mais j'en ai eu beaucoup et de tout genre aussi. Donc c'était vraiment un petit moment à chaque fois très complice avec tout le monde. C'était agréable. Il y a tes petites blagues aussi sur les nains qui sont marrantes. Puisque Leïla la demande, qu'est-ce qu'un nain qui cale une baguette sous son bras ? Un petit calepin. elle est très mignonne. Mais moi, je les aime beaucoup. Et sinon, il y a la même chose, mais qu'est-ce qu'un nain avec une enceinte Bluetooth sur l'épaule ? Un petit caleçon. elles sont trop mignonnes. Moi, c'est mes préférées. Franchement, c'est mignon. Alors, qui a participé ? Est-ce que c'était des jeunes ? Est-ce que c'était des adultes ? Un peu de tout, parce que c'est vrai que je posais aussi la question en caisse. Est-ce que vous avez une blague ? Tout le monde, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, il y a eu des jeunes. Alors, beaucoup les jeunes, quand même. J'ai eu pas mal d'ados qui ont aimé rire avec nous, donc ouais. Si tu avais pu, Leïla, est-ce que tu aurais participé, toi ? Parce que je sens que tu aurais sorti des bonnes blagues, je sais pas pourquoi. Alors, moi, malheureusement, je les retiens jamais. C'est mon gros problème. Donc, du coup, j'ai pas participé, parce que je ne m'en souviens jamais. C'est tout. Mais en plus, moi, je suis super bon public, donc n'importe quelle blague me fait rire. C'est un peu problématique des fois, quand même. Oui, on rigole de tout, ouais, c'est vrai. Est-ce que la sélection a été facile ou est-ce que vous êtes encore dans la période où vous êtes en train de choisir la meilleure blague actuellement ? On a eu une blague ou deux qui sortaient du lot, donc celles-là, elles étaient un peu plus faciles. Mais après, oui, quand il faut faire une sélection exacte, c'est un peu plus compliqué. Puis voilà, c'est ce qu'on disait, nous, on rigole de tout, on aime rire. Donc c'est ça qui est compliqué. Finalement, le plus dur, c'est nous, de nous mettre d'accord. Parce que vu qu'on rigole pour un oui, pour un non, Alors dans quel but est-ce que tu as fait ça, tu as organisé ça ? Dans le but de faire rire, parce que de faire rire, c'est dans le but de dynamiser, dans le but de montrer que c'est vraiment un côté jeune aussi. C'est une friperie complètement différente, dans laquelle il y a de la lumière, dans laquelle ça sent bon, dans laquelle c'est sympa, il fait bon vivre. Et c'est vraiment une friperie qui me décrit. Donc je voulais quelque chose et une image, une communication qui me ressemble aussi. Et c'est quoi l'actualité de la friperie Révolution ? Disons qu'on va déjà essayer de survivre, parce que toute entreprise qui démarre a des risques, hein, donc objectivement, le but est de faire au moins un an, après deux, après trois. C'est ça, en fait, l'actualité, c'est on va aller jusqu'au bout. En termes d'événements, c'est vrai que j'ai à cœur de me déplacer, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie qu'on pique l'idée. Donc j'ai vraiment à cœur quelque chose que je vais mettre en place aussi. Et puis pourquoi pas ouvrir une deuxième boutique très bientôt. Pour ça, bah forcément, il faut être deux, il faut avoir quelqu'un d'autre sous la main, quelqu'un de confiance. Mais c'est vrai que j'ai l'objectif d'ouvrir une deuxième entreprise, un deuxième point de vente, parce que vu la quantité de personnes qui me contactent au quotidien, il y a matière à faire. Est-ce que tu as prévu de prêter ton local à des artisans prochainement ? Oui, nous avons Stéphanie O'Harault qui sera là le 15 avril. C'est une fabricante de lampes et de veilleuses à base de bois. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Nous avons aussi Anne-Laure et David qui, avec qui nous avons organisé un atelier. Cette fois-ci, il est payant, mais parce que c'est un atelier de cartes à planter. Vous pourrez, le jour même, sur deux créneaux, une fois le matin, une fois l'après-midi, vous inscrire pour créer votre carte. Et à l'intérieur, vous aurez un disque à planter pour donc la mettre dans un petit pot de fleurs et voir tous les jours vos fleurs sortir de ce petit pot. Et tout ça, ce sera fait grâce à vos petites mains, fait par vous-même. Et on reste vraiment dans cet esprit fait soi-même, écologie, on pense à demain. Et comment est-ce qu'on peut t'aider à faire connaître davantage la friperie ? Tout simplement, il faut en parler. En bien, c'est mieux, hein, mais il faut en parler. Mais quoi qu'il arrive, il faut parler de la friperie Révolution. Ce qui est et ce qui pourrait être super, c'est de profiter du mur à selfie. Je crois que je dois être la seule entreprise à avoir un mur à selfie. Donc le mur à selfie, il est très simple. Vous prenez en photo devant avec les trouvailles que vous avez découvertes dans la friperie et puis vous les taguez sur les réseaux sociaux. Taguez-moi à fond partout, Friperie Révolution sur Facebook ou alors Révolution Frip sur Instagram, parce que c'est ça qui m'aide à me faire connaître, à me développer et même encore aujourd'hui... J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oh, bah, je savais pas que vous étiez là ». Donc, c'est le gros travail, c'est la plus grosse actualité, on en revient. Et c'est vraiment la grosse actualité du moment, la communication à fond. De toute façon, dans les prochains jours, je vais recevoir encore un drapeau pour mettre sur le trottoir. Donc là, il n'y a plus de raison qu'on ne me voit pas. Et voilà, comment on peut m'aider ? C'est en parler, forcément venir, mais pas que pour acheter. Enfin, moi, je suis ravie quand j'ai des personnes qui viennent. « Oh, bah, je viens juste faire un coucou ». Voilà, bon, c'est très bien. Parlez-en autour de vous, taguez sur les réseaux sociaux le plus que vous pouvez, et c'est le mieux que vous pourriez faire. Et ça, bah, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'argent à dépenser quand c'est juste un petit soutien, quoi. Il faut aussi écouter Radio Gémozo. Exactement, aussi. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et les réseaux sociaux, justement ? Oui, bien sûr. Donc, le site Internet est en train de disparaître, hein, puisque c'est vrai, c'était double d'activité, c'était en termes de... démultiplication des tâches était compliquée. Donc, on peut me retrouver en boutique, donc au 15 rue de la Franche-Pierre à Armiremont, juste avant la caisse d'épargne. On peut me retrouver sur Facebook, donc Rêve, R-E-V en majuscule avec un slash, et Olution, O-L-U-T-I-O-N, ou alors sur Instagram avec le nom Révolution Frip, tout attaché. Et puis en général, on voit un petit logo avec ma tête qui s'affiche. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à Révolution et à toutes les deux ? De la réussite. De la réussite. Du bonheur, de l'argent. De la joie. Ouais, de la joie, de la santé, puisque forcément, en mauvaise santé, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir toute cette réussite. Que nos rêves se réalisent. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, cette émission est maintenant terminée. Leïla et Lauriane, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez nous voir. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.